Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast de coquin et la seule radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô. Et sourde mais contente. Pour vrai, je regrette que t'aies réglé mes écouteurs pour que je puisse entendre aussi bien. Tabarnak, ça a commencé fort, je suis down. Dans l'ordre du rose, c'est moi qui crie, Jess PVM, yes. Bipolaire, mm-hmm. Somme, non-binaire, réceptionniste. Avec mes assurances de réceptionniste, j'ai un petit peu de misère à couvrir l'étendue des dommages qui ont été faits à mes dents. J'ai 34 ans, faut déjà que je mange du manger mou. Mm. Sourire, ça me fait mal, c'est correct, je le fais jamais. Puis, des fois, c'est de même, hein? Hein? Hein? Hein? Puis, parlant de poubelle homosexuelle... Vite un dentier. Vite un dentier. Ah, hey! Mais... Est-ce que j'en rêve? Ouais. J'en rêve. Ouais. Ben oui. Tout le monde a compris l'avantage, là. Ah, yes. D'avoir un dentier. Tout le monde a compris. Gum job, tout le monde. Gum job. Golis. Pipe pas de dentier. Vous êtes qui, vous? Moi, parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin. m'a listé mon CV, moi aussi, Golis, là. Ils vont des chants de sa génération. Ils vont des. That's it. Rien de moins. Clémence Desrochers. Oui. Lise Dion. J'étais comme, je vais laisser mon CV, puis après ça, j'étais comme, oh non, finalement. J'étais comme, elle se rappelle plus qu'est-ce qu'elle fait. Je commence avec quoi? Elle a oublié sa job. Mais famously, non, mais j'ai une job de jour dans la cidocratie, mais famously, j'accumule toutes les gigs qui rendent généralement pauvres et unfuckables, c'est-à-dire oui. DJ, podcaster et stand-up comedian. Oui. Par ailleurs, je viens d'obtenir le rôle de chroniqueur au Snowflake Comedy Club qui va commencer le 5 novembre au c'est Jockey. Où? C'est où ça le jockey? Dans la petite patrie à Montréal. C'est à Montréal? Yes, but. Ah, ça détruit ma théorie que t'as juste des gigs parce que t'as un char. Non, c'est okay. Ça. Quand même. Okay. Quand même. On me book aussi à Montréal. C'est le fun. Fait que voilà. Puis sinon, ma tête de la journée, moi, je pense que les gens qui vont dans des lieux publics avec des pancartes Free Hug sont les verrues aux pieds de l'humanité. Aucun respect. Moi, je suis comme « fuck right off ». Parce que la take derrière ça, on s'entend que leurs commentaires sur la société en arrivant avec des trucs de free hug, c'est qu'on manque de contexte, qu'on n'est pas assez ouvert à l'autre, c'est qu'avec de l'amour, on réglerait tout. Puis pour vrai, verru. S'il suffisait qu'on s'aime. Verru. Fait que dans un monde alternatif où tout est à l'envers, je suis cette personne-là. Oh dans my God, imagine. Free hugs. Imagine. Si un jour on joue à vérité conséquence, pour vrai, ça va juste être... C'est ma version dans ça va juste être des vérités parce que conséquence, ça va juste être comme devant le métro. Je vais aller dans un parc donner free, je vais te dire tout ce qui marche pas dans ta vie, tabarnak. Ah! Ça va être moins ça. On n'est pas tout seul. Ben c'est ça, on est. Ben, là, on parle. On parle, mais on n'est pas tout seul. Puis on est avec qui, Calis? Pourquoi t'as mis le micro sur ta gorge que tu ouvrais? Pour faire du bruit dans les oreilles du monde. Si je suis unhinged, c'est plus moi qui fais le montage, mais Calis du bruit. Alors, on n'est pas tout seul. On est avec Mycelium, chercheur artiste indépendant qui fait du cheap art de basse-cour, du cheap art. Ah, c'est-tu qu'on va reparler là, de ça? Et de la radio avec le collectif Audio Smith sur CKUT le premier mercredi de chaque mois. Exactement. Wow! Depuis qu'on a des recherchistes, là, Papa Pivot nous a arrangé ça. Yeah. Alors, Mycelium se concentre principalement sur la magie, l'écosexualité et les abus sexuels dans l'enfance, ASE pour le futur. Il est agent de milieu communautaire à l'espace LGBTQ+. Bonjour! Bonjour! Allô, Mycelium, comment tu vas? Ben, évidemment, ça va très mal pour changer. Yes, merci. Yes. Merci. Same, la même chose. Mmh. Oui. Ça me surprend pas. C'est fait que le monde suit le podcast, mais c'est juste l'état général des choses, en fait. Non, mais oui, c'est ça. T'as l'air d'être in the know, mais je veux dire, c'est peut-être juste ça aussi. Tu sais, la vie est un plaster qu'on n'arrive pas à décoller puis qui fait du petit chemu noir sur notre peau. Là. Sur cette métaphore mémorable que jamais personne va oublier. On est aussi avec Catherine Lavarenne, autrice, qui vient toujours de lancer son deuxième roman, Fragile comme une bombe, en nous, paru chez LVB Éditeur. Elle siège sur le CA. Victor Lévy-Beaulieu. Ah, OK, parfait. Le Québécois avec le plus d'écume du bord d'ailleurs au monde. Tu m'as dit qu'en liste, c'est rien que trois lettres, là. Elle siège sur le Seigneur d'espace LGBTQ+, depuis le printemps, et auparavant, elle a représenté le Conseil québécois LGBTQ+, encore une fois, sur le comité fondateur de l'organisme. Allô, Catherine! Allô! Comment tu vas? Eh bien, ça va bien. J'ai-tu le droit? Non, c'est pas vrai, ça va très mal, très mal. Non, mais ça va bien. T'as le droit. Mais moi, c'est un truc, j'ai-tu le droit, comme, personne va te croire. On vit tous dans le même monde. On n'a pas encore ouvert les metaverses où on a, comme, assassiné tous les milliardaires. Puis que... C'est pour donner le ton à l'entrevue, sachez que tout ce que je dis va être faux. Parfait. Great. Débrouillez-vous avec ça. Great. J'aime ça qu'on est dans un challenge, genre, on a deux invités, l'un ment constamment, l'autre ne dit que exactement, la vérité. Exactement, t'as tout compris. Puis là, il faut savoir lequel est lequel, c'est ça le jeu? Oui, c'est ça. Parfait. Fait que okay. Deux sphinx le matin. Wow! Wow! Je peux dire Oedipe? C'est la seule personne qui a du cul dans l'histoire. Ah! Ok, parfait. Puis okay. Il reste qui, mettons? Je connais pas tu, bien. Tu peux être ma mère, Pénélope, là. T'attends-tu? Je vais te fourrer. Le rôle de la mère d'Oedipe. Au lieu de te crever les yeux, tu pourrais t'arracher les dents. Ouais, je pourrais m'arracher les dents. Au lieu de avoir un autre conte grec pour les dents, je peux pas croire, ils ont quelque chose pour tout. Fait que là, sur cette belle fable qu'on vient de. C'est une autre métaphore inoubliable que vous jamais Hey, les proustiennes, aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on défie la gravité. On s'en va flotter en apesanteur pour parler d'espace LGBT. Fait qu'on vous jase pas d'astronomie. Non, non, station, on a déjà fait deux. Ben, ça, c'est astrologie. Ça, c'est ah, à oui, une lettre près. Eh, mon Dieu. À une lettre près, mais il y en a un qui est vraiment plus une science que l'autre. L'autre, tu sais, je. My God, je suis banni. Full into astrologie, mais c'est vraiment plus autre chose. Fait que c'est ça, on vous parle pas d'astronomie, mais bien d'espace communautaire LGBTQ+. On se demande comment ça se fait que Montréal en a pas d'espace communautaire LGBTQ+, et que tous nos organismes sont mal logés, probablement comme les personnes qui y travaillent, parce qu'on est à Montréal, on est tous mal logés. On vous parle des défis à relever pour obtenir un espace LGBTQ+ fonctionnel pour la communauté. Et qu'on conclut avec notre vision plus large pour le village, sa communauté, et bien sûr, on est entouré d'artistes. À deux fiches le matin, on va parler un peu de nos artistes et de leur art. Yes, si. De l'art. Fait qu'on s'en va chugger des doubles cours, troisième vague, en écoutant Selling Sunset. Voir s'il n'y aurait pas des trucs en real estate, tu sais, des fois. Puis on vous revient, on veut caféiner. Bon, ben, Selling Sunset, c'est pas très bon. Non. Puis maintenant, ben, on veut que tous nos espaces communautaires soient équipés d'une piscine creusée de taille olympique et d'un sauna sec, s'il vous plaît. C'est le minimum pas... qu'on demande. Ben, on prend note. Ben, that's it. Dans les espaces recherchés, là, les critères piscine creusée de taille olympique, sauna sec, que c'est d'autre qu'on a besoin? Cuisinière au gaz. On a déjà parlé d'un donjon communautaire. Ça ouais. Excellent. Bon, ben, la liste est faite. On l'a bu, notre hostie de café. On est caféiné. Ah oui, c'est ça qu'on est dans la vie, on est over caféiné. Cherchez le mot! Calice! C'est juste 4 ans qu'on fait ça. Calice! C'est correct. OK, là, comment ça se fait que Morgial est la dernière métropole en Amérique du Nord sans centre communautaire LGBTQ+, puis genre, qu'est-ce qu'on veut dire par un centre communautaire LGBTQ+, qu'est-ce que les autres villes ont pas? Comment ça se fait, tabarnak, que Toronto, il y en a un, puis pas nous autres? Ben, ils ont juste un petit peu plus d'avance, c'est tout. Parce que nous autres, ça s'en vient. Ça fait longtemps qu'on en parle ici. Puis, tu sais, on n'a pas mené une grande étude de savoir pourquoi les autres en ont, puis nous pas. On s'est juste dit qu'on allait comme travailler pour en avoir et s'inspirer. Mais c'est sûr aussi que, tu sais, dans le monde anglo-saxon, il y a quand même une culture de la philanthropie qu'on n'a pas ici. Puis, typiquement, il y a toujours une question de sous là-dedans. Ouais. C'est toujours un petit peu compliqué ici par rapport à ça. Puis, ben, c'est ça. Mais il y a aussi une petite précision à apporter. Il y a un organisme à Montréal qui s'appelle Centre communautaire LGBTQ+, qui offre des services, qui collabore avec plein d'autres organismes aussi dans les mêmes lieux, puis qui a une bibliothèque LGBTQ+. Sauf que la différence avec notre projet, c'est que c'est un centre qui occupe des locaux qui appartiennent à la ville, donc qui n'est pas propriétaire de l'espace. Alors que nous, on parlerait plus de créer un grand complexe communautaire. Donc, on parle d'un bâtiment où les organismes communautaires auraient accès à des locaux pour leur permanence, mais aussi pour partager des ressources, là, puis faire ça en co-gestion, en solidarité, que ce soit, tu sais, personne n'a besoin de sa grande, grande salle unique de réunion, là, on peut en avoir une pour la gang. Puis, bon, il y a, ce premier aspect-là là, qui est vraiment concrètement, par exemple, peut-être que tu as besoin d'un graphiste ou d'une graphiste 2 jours sur semaine, un autre organisme en a besoin, tu sais, il y a plein de ressources comme ça. Mais au-delà de ça aussi, il y a une question de, d'être ensemble, de se concerter, de partager nos expériences, de voir qu'est-ce qui se vit, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour développer tout ça. Fait qu'un gros crise de centre d'achat communautaire LGBT, là. Ben, avec un food court dans le sous-sol, avec un skimming, puis des escaliers roulants qui y mènent. Puis idéalement, une grosse piscine, toujours un beau milieu. Avec à Noël, ben, on assoit un Père Noël dans le milieu avec un train qui passe autour, puis là, les gens vont le voir. Une mère Noël, là, on est quand même. Une mère Noël, ça peut être un saut Noël, ça peut être... Ah, puis s'il n'y a pas de mur d'escalade, moi, je débarque. Ah ouais, c'est vrai que c'est de gauche un mur d'escalade. Ouais, prendre... j'en ai jamais vraiment fait, mais je pense qu'il faudrait tant que je m'y mette, fait que j'en exige un. Fait que on va parler de beaucoup tantôt des raisons philosophiques, des raisons communautaires de l'espace LGBTQ+, mais comme un des enjeux premièrement en ce moment, c'est A, trouver l'espace, B, acquérir l'espace. Oui, ça c'est sûr. C'est, en ce moment, c'est un des gros défis. Là. Moi, j'entends beaucoup parler de ça. C'est un des gros défis, mais je vous dirais qu'il est en train de se régler un peu actuellement. On a quand même les yeux et les griffes sur un bâtiment actuellement. J'espère. Oui, là on est rendu J'espère que c'est le GI parce qu'il est à vendre. on a le G.I. Joe est à vendre pour 3 G.I. millions. Le G.I. Joe est à vendre techniquement avec le fonds de commerce, c'est à vendre pour 6 millions. Wow. On en a parlé. Moi c'est vraiment l'intérieur. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça m'étonne pas que tu sois allé à l'intérieur. Moi, je suis allé à l'intérieur puis ça vaut clairement pas 6 millions pour comme, comment c'est bâti, comment ça. Moi, je suis allé à l'intérieur, quoi? Moi, je suis déjà... Moi? Mais je suis allé à l'intérieur. Moi, j'ai... J'étais allé à l'intérieur avec l'inspecteur en bâtiment, là, juste parce que je me magasinais de quoi. Je peux aller pour d'autres choses, voyons. Mais, ouais. Mais si on a des auditeurs qui sont intéressés à collaborer sur l'acquisition du G.I. Joe, moi, ça m'excite beaucoup comme tout projet personnellement. Pitch in, là. On va mettre notre Patreon là-dessus, là. Notre Patreon pour lequel... millions de dollars. Ben, notre Patreon pour lequel, moi, rumor has it que le monde dise que, dans le fond, on fait pas tant d'argent que ça. Puis moi, je veux juste dire que tout l'argent du Patreon est dans un paradis fiscal. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de liquidités sur nous autres. Oui. Mais nous autres, on échappe aux taxes, puis on veut pas le donner notre 7,50 par million à QS. Fait que c'est ça. Back to... Donc... Catherine en a parlé un petit peu. Est-ce que tu as des choses à ajouter? C'est quoi le centre? C'est quoi la vision du projet en général pour qu'on se donne une idée un peu de... Certainement. Vraiment, la vision, je pense que le but... Il y a les stratégies concrètes, justement. Le premier bâtiment. Ensuite, il y aurait comme un réseau, idéalement, à l'intérieur de la métropole puis aussi éventuellement de la province. Tu sais. Mais au-delà de ça, depuis le début, là, surtout les personnes qui sont plus spécialisées en urbanisme, en architecture, en design... parle beaucoup de créer un think tank, une espèce de groupe de concertation là, autour de questions de spatialité queer. Donc, réfléchir plus en profondeur, au-delà de la brique, le béton. Puis créer aussi, réfléchir à c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'un espace est queer finalement. C'est pas juste un espace où il y a des organismes communautaires, ça peut être ça, ça peut être un espace où il y a de la sexualité, ça peut être un espace, mais c'est un espace où il y a des gens queer qui se rassemblent. C'est un gathering space. Mm-hmm. Et idéalement, dans ma vision à moi, là, ce serait un espace où il y a qui permet le community building et même le movement building. Donc, un espace où on peut se rassembler pour strategize, pour vraiment réfléchir à des stratégies concrètes activistes. Oui. Oui, puis je pense que c'est quelque chose... j'ai travaillé au Conseil québécois LGBT pendant un petit moment, puis c'est un organisme qui fait de la concertation à travers l'ensemble du Québec. Mm-hmm. Puis ses revendications sont vraiment basées sur ce qui se passe directement sur le terrain. Puis je trouve que c'est une formule qui est comme vraiment excellente dans le sens où, pendant longtemps, les organismes qui font de la défense de droits, puis sûrement que ça se fait encore comme ça à bien des endroits, il y a comme quand même des fois une séparation entre les gens qui portent la charge politique puis les personnes qui travaillent réellement sur le terrain. Mm-hmm. Puis c'est super important de garder un contact entre ces deux sphères-là, mettons. Puis on a vu au Conseil québécois, il y a eu les régions hors Montréal qui ont des enjeux spécifiques qui vivent et qui ont besoin d'en discuter entre elles et eux. Puis le conseil facilite un espace de concertation. Mm-hmm. Mais à Montréal, on a entendu certains organismes dire qu'il y a aussi des enjeux qui sont spécifiquement montréalais. La demande n'a pas été faite, mais c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant parce qu'à un moment donné, si oui, c'est du community building, mais après, on peut aussi être, à un moment donné, un mouvement qui porte la parole de c'est quoi réellement la réalité, puis qu'est-ce qu'on veut avoir exactement des instances décideuses, puis de l'ensemble des gens qui ont du cash à nous donner aussi. Oui, fait qu'il y a définitivement ce but-là aussi, cet objectif-là. Puis dans le même sens, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur le long terme à comment participer à l'élaboration de stratégies concrètes par rapport aux problèmes qui sont systémiques dans le village, dans la métropole et dans la communauté en général. Ça, le beau segway. Puis ça veut dire identifier nos priorités, puis aller à la racine du problème, pas juste patcher les problèmes. À mon sens, puis ça, je vais continuer à le marteler à l'intérieur de l'équipe. Aime ça, se faire marteler. Et dans toutes, et dans toutes les autres sphères de ma vie, mais ça veut dire actuellement nos priorités, ça veut dire, bon, évidemment la crise climatique. On s'entend qu'on est en train d'essayer d'acheter des bâtiments sur une île qui va potentiellement être sous l'eau dans 50 ans. Est-ce que la stratégie à long terme est viable? Je sais pas. On va voir. On prend un gamble. Mais outre ça, nos priorités... Pourquoi qu'on veut pisser, on veut savoir nager. Oui. On n'en a pas besoin dans le fond. Ouais. Mais nos priorités actuellement, à mon sens, c'est définancer la police, décriminaliser absolument toutes les drogues et décriminaliser le travail du sexe complètement. S'il vous plaît, les drogues, ça prend, j'ai mal aux dents. Mais surtout, ce qui est bien puis genre powerful là-dedans, c'est que c'est vrai qu'à faire du travail communautaire avec comme plein d'urgences de genre gens qui sont pris avec des problèmes qui n'en finissent plus parce qu'ils sont systémiques, quand t'es dans un organisme qui agit sur un des aspects, que ce soit genre aspect drogue, aspect genre gens qui sont dans la rue, qui vivent plein de violences de la part de la police et tout, t'agis sur comme, tu pâches le bobo, là, mais t'as pas le pouvoir de décriminaliser les drogues ou de définancer la police ou quoi que ce soit, tandis que quand tu crées des espaces où tout le monde peut être ensemble en concertation, se partager des ressources, puis comme être un interlocuteur légitime pour des gens au pouvoir, ben tu sais, ça donne vraiment plus d'impact, là, tu sais. Ça peut être isolant des fois de travailler dans le communautaire puis d'être devant ces problèmes-là qui sont un peu infinis en quantité, dans les ramifications pour les populations qui sont là, là. Puis parlant de problématiques infinies qu'on va pas régler en un épisode de podcast ou un organisme LGBT. On sort pas de ça, tant que c'est pas réglé, on va envoyer de la fumée blanche en cheminée, nouvelle papesse élue. L'ultime priorité qui est vraiment à la source finalement de tous les enjeux que je viens de nommer, c'est la décolonisation. Malheureusement, nous, on cherche à acquérir des bâtiments et du territoire, puis il va falloir qu'on réfléchisse plus en profondeur à ça. On ne peut pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez fait d'efforts de concertation, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler sur le long terme. Yeah. En termes d'acquisition de building, là, parce que là, c'est compliqué pour tout le monde dans le communautaire d'être logé, parce que de ce que je comprends, la crise du logement touche le commercial aussi, puis le communautaire est en compétition contre tout le monde qui peut vouloir du commercial, donc des commerçants, donc du monde qui a vraiment plus d'argent que nous autres. Là. Fait que, comment ça que notre communautaire est si mal logé? Mais il y a un enjeu, ben déjà comme tu le dis, effectivement, c'est des locaux qui sont souvent des locaux commerciaux, donc, puis ces locaux-là ne sont pas protégés par des structures, ou en tout cas des lois qui feraient que, tu sais, un bail commercial, si ton proprio décide de t'augmenter de deux fois le prix à la fin de ton bail, il a le droit, là, c'est pas protégé. Fait que ça, déjà, c'est compliqué. Puis il y a le fait que les organismes communautaires, ben, sont financés souvent, leur financement à la mission, déjà, il est très bas. Il y a beaucoup de groupes qui se battent présentement pour faire reconnaître que le financement à la mission a besoin d'être augmenté. Il y a eu une étude qui est sortie l'année dernière, justement, du Conseil québécois LGBT qui parlait du sous-financement ou du mal-financement des organismes LGBT qui ont eu un retard à rattraper parce que pendant que le milieu communautaire s'organisait, ben, les personnes LGBT étaient encore comme occupé à se faire battre par la police puis enfermé. Fait que il y a pas eu vraiment de, tu sais, il y a pas eu des organismes qui ont eu des assises vraiment solides depuis 50 ans comme dans le milieu communautaire en général. Puis là, il y a eu un certain rattrapage qui s'est fait, mais sans que la structure soit là pour qu'on puisse prendre cet espace-là. Fait que ça fait que notre financement à la mission, déjà, c'est là-dedans que ça passe les frais de loyer, mais les organismes roulent en réalité beaucoup plus sur des projets. Puis les frais de loyer, ça passe pas là, dans un budget de projet. Non. Fait que t'as bien beau recevoir de l'argent, mais en même temps, tu peux seulement allouer une certaine partie de ton budget à un loyer, puis c'est pas... c'est sur 2 ans, 3 ans, fait que pour la pérennité de ton endroit. Fait que, tu sais, c'est pour ça que nous, on s'est dit, tu sais, oui, dans la réflexion aussi décoloniale dont Mycélium parlait tout à l'heure, mais en se mettant ensemble puis en devenant propriétaire d'un building où est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, gérer nous-mêmes les prix un peu en coop, dans le fond, nous, mais ça fait en sorte que nos organismes peuvent dégager leurs ressources pour faire leur mission, pour faire leur projet, pour faire leur programme. Puis, ultimement, tu sais, ce qu'on n'a pas encore dit, mais le but de tout ça, c'est que les gens de nos communautés puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Oui. C'est quand même ultimement pour ça qu'on fait Ouais. Il y a un impact parapluie et un effet boule de neige simultanément. Météo! C'est l'espace. Ou est-ce que finalement, en déprécarisant les organismes, ils peuvent offrir des meilleurs services à leur population qui est précarisée et ça les déprécarise ultimement. T'sais. Il y a comme un effet domino, mettons. Ça fait à peu près combien de temps qu'on essaie d'avoir ce fameux centre communautaire LGBTQ+? Ça fait très longtemps. En fait, sur notre site, vous pouvez trouver une magnifique ligne du temps. Oui. Et puis, en fait, ça fait depuis les années 70 que le projet est dans l'air. Fait que ça fait un 50 ans comme il faut que les gens soit en parlent, s'organisent, mais tu sais, je dirais peut-être plus sérieusement depuis les années 90. Les premiers espaces, c'était beaucoup des espaces lesbiens comme l'école Guilford. Puis c'est ça. Après, dans les années 2000, il y a eu dans l'air, on a parlé du Carrefour Arc-en-Ciel. Bon, il y a eu des endroits là, comme l'Astérisque qui regroupe plusieurs organismes jeunesse. Mm-hmm. Mais c'est vraiment depuis 2018 là, qu'il y a plusieurs organismes qui se sont mis ensemble pour mener à la création d'espaces LGBTQ+. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu passé la POC au CA actuel, qui est des personnes, des particuliers surtout, là, dans le sens où c'est pas nécessairement les organismes communautaires eux-mêmes qui font partie du CA en général. En dédoublant constamment leur travail. C'est ça, qu'ils sont extrêmement occupés, puis tout le monde est vraiment épuisé. Fait que, on a repris le flambeau un peu. Et puis, tout ça aussi, tu sais, ça s'appuie sur des enquêtes, des recherches qui ont été faites dans les dernières années. Il y a eu un rapport qui a été publié spécifiquement sur les besoins locatifs des groupes LGBTQ+. C'est encore votre conseil québécois préféré qui l'a fait. Mais il y a aussi la Ville qui a fait des études, la CDC, oui. La SDC. Il y a, tu sais, on les connaît, là, de l'information, on en a là, sur les obstacles, les réalités, les besoins, puis tout ça. Puis là, on est vraiment prêt et prête à faire de quoi avec toutes ces informations-là. Mais oui, ça fait longtemps, puis on sent qu'il y a quand même une volonté, là, puis des moyens pour le faire aussi. Oui, il y a une volonté et des moyens. Il y a aussi quand même des lois qui doivent être changées, qui doivent être régulées. On peut parler justement, on sait qu'il y a une crise du logement. Ouais. Il y a une certaine connexion entre la crise du logement et la crise du commercial, mais il n'y a absolument aucun recours, aucune protection ou limitation dans le commercial. Ça nous prendrait, à mon sens, une régie du locatif commercial, ouais. Un registre des loyers commerciaux, oui. Et une prise de responsabilité du politique. On peut penser à, mettons, le projet qu'on a vu passer récemment de la Warehouse Van Horn, qui va être transformé en hôtel de luxe, ouais. Qui est présenté comme un projet de revitalisation qui ferait rayonner la ville, entre guillemets. Alors que c'est un quartier qui se revitalise très bien tout seul, ouais. Qui n'a pas besoin de cet apport-là. C'est une des pires idées d'urbanisme que j'ai jamais vues de ma vie. Par exemple, il y a ça, il y a aussi les gros joueurs, là, les requins de l'immobilier, la gentrification, il y a plusieurs paliers. Et il y a certains qui sont comme des énormes léviathans, là, monstres qui bouffent tout. Là. On peut penser justement tant dans le Myland que dans le village, il y a le même problème où l'entièreté quasiment des bâtiments commerciaux sont possédés par les mêmes trois proprios. Souvent, ils ne sont même pas des locaux. Ils n'habitent même pas à Montréal. Ils habitent souvent hors du pays. Ils vont laisser des locaux vacants pendant des années en attendant qu'une entreprise soit suffisamment riche pour payer le loyer qu'ils ont triplé quand ils l'ont acheté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le drugstore, légendaire bar lesbien, est à l'abandon, en ruine totale depuis 2013. Ça fait quasiment 10 ans, c'est ça. Puis là aussi, il faudrait des régulations. T'sais. Il faudrait, par exemple, une loi qui dit que tu ne peux pas augmenter le loyer de plus de X montant, ou même voir juste un freeze total des loyers, là, des loyers résidentiels. Oui, puis ça prendrait aussi des lois de parapluie pour les organismes communautaires. Comment ça se fait que vous êtes considéré comme un espace commercial? Juste ça, pour moi, ça n'a comme pas de calice d'allure. Ah, ça, c'est tout un dossier. C'est comme weird, mais c'est ça après ça. Là, c'est, j'allais dire zonage, j'exagère. Là, c'est pas une affaire de zonage. Oui, mais... c'est une affaire de zonage. C'est vrai, j'ai de l'instinct. En fait, ça peut en être une. Il y aurait possibilité, ça serait une avenue pour rendre ça plus intéressant pour les propriétaires de louer à des organismes communautaires. Puis ça serait peut-être, de créer un zonage pour soit entreprise d'économie sociale ou organisme communautaire, ou est-ce que là, tu as des exemptions de taxes. Mais les exemptions de taxes, c'est possible aussi, je pense, sauf que c'est extrêmement compliqué. Pas tout à fait. C'est ça le problème. Puis ce qui est frustrant, c'est qu'il faut justement déployer énormément de ressources financières, de ressources humaines qui font des recherches pour essayer de figure out comment faire son chemin dans le puzzle de l'immobilier, là, ce qu'on a fait cette année pas mal. Puis ce qu'on a découvert justement, c'est qu'il existe un zonage communautaire. Ouais. Mais il n'est pas exempt de taxes foncières. Et en fait, la seule façon pour être exempt de taxes foncières actuellement, c'est d'être propriétaire du bâtiment. Et ce pourquoi on existe. On est là pour faire de l'immobilier à but non lucratif, pour être un OBNL propriétaire qui peut donc, entre autres, qui peut s'auto-administrer, s'auto-gérer, pas dépendre des straits milliardaires. Monter son propre loyer à chaque année. Tu sais. Absolument. qui va garder une stabilité. Oui. Mais aussi, justement, Ce qu'on a découvert, par exemple, c'est qu'il y a des façons super complexes quand tu fais face à un particulier d'avoir une exemption. Il faut que tu fasses une entente usufruit. Mais là, ça te prend des ressources, là, ça te prend des avocats. Free drag name usufruit. Quand j'ai ça, sors de ma tête, sortez de mon cerveau, je vais le retrouver juste à moi. Mais c'est extrêmement dull, là, ce que je vous raconte. Vous comprenez à quel point c'est chiant puis compliqué, puis personne n'a envie de faire ça. Puis même quand tu l'as, ton esti d'entente usufruit, ça t'enlève comme une pièce par tranche de 100$. C'est comme insupportable. Puis ça, ça te prend des permis, ça te prend des demandes de dérogation de la ville, ça prend des années pour arriver à faire une petite affaire bien simple qui est évidente. Il y a du sous-financement dans le secteur communautaire queer. Pourquoi on devrait payer des taxes foncières? Ça fait aucun sens. T'sais. Alors qu'on n'a pas la mobilité économique d'être propriétaire, à moins justement de qu'il y ait un CA de 9 personnes bénévoles qui montent sur pied ce genre d'organisme-là. T'sais. C'est juste pénible. C'est pénible. Parlant de pénible, yes. On va aller se prendre un thermos de filtre pour la route, puis on s'en va mettre la face d'Éric Duhem sur tous les pancartes à vendre du village, puis on vous revient overcaféiné avec un marché immobilier en train de crasher. On n'a jamais été capable de finir la job. C'est humainement pas possible de voir la face de Duhem aussi longtemps, mais on a fini notre café, pas de gaspillage. Non, ça, on est overcaféiné. On est overcaféiné. Mais le marché immobilier n'a pas encore crashé, on s'excuse. On attend toujours. On attend. On a essayé tant bien que mal. On a fait notre effort. Ben. Moi, je vais me coucher heureuse et satisfaite de mon implication sociale. Ouais. Voilà. Ouais. Surtout, tout ça n'est pas fictif du tout. C'est vraiment pas juste une joke de café qu'on a écrit pour le soin de l'épisode. On l'a fait. Quand on a fait notre épisode sur le village, la saison dernière ou l'autre d'avant, je m'en rappelle plus. L'autre d'avant, saison 2. Eh hey, mon Dieu. Saison 2. On se perd dans nos saisons. Hein? Allez le réécouter. Ben. On a beaucoup, beaucoup parlé de la dimension démographique, résidentielle. On parlait beaucoup de gentrification. Là, l'espace LGBTQ+, vous me corrigerez si je me trompe, c'est pas juste le réoccuper le territoire du village, mais aussi de lui redonner un peu son sens. Parce que le village, c'est pas juste des bars. C'est correct qu'il y ait des bars, des restaurants, mais c'est pas juste des bars, des restaurants. C'est pas juste un lieu de passage. C'est un lieu de rassemblement. Ça peut être une terre d'accueil pour quelqu'un qui sait pas où s'en aller. Comment ou est-ce que l'espace LGBTQ+ s'inscrit là-dedans? Ben, je pense que, tu sais, au fil des dernières années, justement, tantôt, on parlait qu'il y a eu beaucoup de rapports puis d'études qui ont été faites. Puis je pense que c'est parce qu'on sent que, justement, c'est à la fois, le village s'est un peu développé comme ça, puis c'est ce qui prend le dessus parce que, ben, on est dans un monde capitaliste, puis dans le capitalisme, c'est ça qui se passe. Mais il reste que les gens sont quand même encore attachés au village comme espace d'appartenance, puis aussi d'arriver à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des jeunes surtout, qui viennent de l'extérieur de Montréal puis qui partent d'endroits où est-ce que c'est difficile d'être une personne queer parce que, ben, pour toutes les raisons qu'on peut bien imaginer. Puis quand les personnes arrivent à Montréal, ben souvent, c'est vers le village où est-ce qu'elles atterrissent. Puis il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont encore dans le village, sont mal logés, c'est de plus en plus difficile, mais c'est quand même là qu'ils sont. Puis ça fait un peu un effet de cercle vicieux où est-ce que les gens viennent dans le village parce que c'est là qu'il y a des services, mais en même temps, des personnes queer, il y en a partout là, à Montréal, puis ça gagnerait à se développer dans les autres quartiers de la ville aussi. Par contre, mais c'est ça, c'est sûr que ce qui ressort de ce qu'on entend puis de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté quand même grande de redonner cette mission-là au village comme territoire qui représente une culture aussi puis qui représente un endroit où est-ce qu'on se sent chez nous. Oui. En même temps, ben, ça vient avec des grandes questions sur l'inclusivité du village puis qui est-ce qui est bien, qui est-ce qui est pas bien. Puis ça, c'est pas clair même au sein de nos propres communautés. Là, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est bien beau se tourner vers le tourisme pour populer le village. On l'a essayé. Ça marche OK. Ça a l'air qu'à Montréal, on est une très grosse plaque tournante du tourisme gay. Je ne sais pas, LGBTQ+, mais gay, en tout cas. Ça, gay, ça, je sais. Ça, ça roule. Ouais. Ça roule. Bon, dans une tentative de rendre le village self-sufficient, ce qui n'est pas toujours facile. C'est bien beau tout ça, mais bon, je mélange quand même deux questions ensemble. Vous représentez, vous incluez, enfin, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui vont se retrouver dans ce projet-là, directement ou indirectement. Est-ce que d'un côté, on a des appuis solides, des gens qui vous supportent, des gens qui aident à ce que le projet se réalise, et de l'autre côté, comme on le voit souvent à Montréal, est-ce qu'il y a un effet de « Ah oh non, moi je veux pas un organisme communautaire à côté de chez nous, ça va attirer des maudits pauvres, pas dans ma cour. » Question à deux volets. Qui vous aide, qui vous supporte, qui vous nuit? Ben, drop the names. Mais je dirais que c'est sûr qu'il y a une volonté palpable, politique, de la part de la ville. On a quand même eu beaucoup d'appui de l'arrondissement de Ville-Marie particulièrement, okay. Parce que pour l'instant, on travaille pas mal juste dans le village. Oui. Donc, ils nous aident dans des processus, ils participent à des réunions. Ils sont là, ils sont présents. Okay. On espère avoir leur financement aussi éventuellement. Puis, mon salaire est celui de ma collègue Alia et entièrement payé par le bureau de Manon Massé. Okay. Pour l'instant, puis on a évidemment appliqué. Yes, ouais. Manon. Daddy Manon dropping the dollars. Daddy Manon. Et puis, évidemment, on a appliqué à énormément de subventions au courant de l'année. On attend des réponses, on croise les doigts. Sinon, il y a PME Montréal qui nous a donné un petit coup de pouce. On est accompagné aussi dans le processus. Ça, c'est pas des ressources financières, mais c'est des ressources techniques. Là. Il y a un groupe de ressources techniques, d'ailleurs, GRT, qui s'appelle le groupe CDH, avec qui on travaille. On a commencé aussi à collaborer avec la firme d'architectes Rayside Labossière. Okay. Il y a aussi le INOGIEV, l'Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal, qui nous a donné du support financier, Steven Guilbeault. Et Jennifer Macaron, lesbienne notoire, députée libérale. Lesbienne notoire! Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui nous appuient. Puis je dirais que pour la question ouais, de pas dans ma cour. Ouais. Ben, je pourrais pas vous nommer exactement l'article de loi là, sur le coup comme ça, mais je sais que la ville a changé les lois sur le zonage communautaire, mm-hmm. je pense au courant de la pandémie, face à justement des crises reliées à l'itinérance, à tout le moins dans Ville-Marie. Là. Donc, il y a toujours des voisins qui chiolent, ça c'est sûr, oui. Mais ils peuvent techniquement pas canceller des projets comme ça. Donc, ça protège le développement de projets comme la Maison Lambda, qui est un futur centre d'hébergement d'urgence pour personnes queer et trans précarisées, qui est en train d'être développé par l'organisme Jeunesse Lambda. Mm-hmm. Mais on s'entend qu'il y a toujours de la grogne mal placée. On peut penser à un événement comme à l'hiver 2021, en pleine pandémie, suite à la mort de Raphaël Napa-André, qui était mort de froid dans une toilette chimique quand il n'avait pas pu avoir accès à un lit. Il y a une tente chauffante et une remorque de la Wapikoni mobile qui ont été installées par et pour la communauté de la rue autochtone dans le stationnement du métro Montréal. Mm-hmm. Puis quand ça s'est arrivé, c'est clairement juste un besoin immédiat d'urgence. Les résidents bourgeois du plateau ont littéralement fait une pétition adressée au maire de l'arrondissement pour les faire sortir, je cite, de leur cour. Donc, quand on dit pas dans ma cour, là. C'est pour de vrai. Là. C'est même quelque chose... pas une métaphore. Non. Ça existe. C'est un discours tenu par des voisins. Ils ont aussi fait des menaces, des insultes et des appels à la police. Ouais. Moi, c'est pour des raisons comme ça, Catherine, que je te croyais pas quand tu disais que ça allait bien en début d'épisode. Ouais. Moi, quand j'entends ça faire de même, je suis comme « Tabarnak, ça va mal! Ouais. » Moi, j'adore ça. Les gens! Ouais. J'adore ça. Le parking est fermé, le drugstore est fermé, le club sandwich n'existe plus depuis des années. Tout ferme. Oui, la dépression n'est qu'une conséquence logique. Des drag queens sur Facebook sont comme « Ah, mais là, les graffitis et la violence, le village a tellement changé. Tabarnak, c'est la seule affaire qui a pas changé. Ouais. C'est la seule affaire qui a pas changé. Absolument. Le monde est dans la merde dans le village. » Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Puis je trouve que justement, ce qui s'est passé dans le plateau, là, c'est complètement grotesque, ouais. Mais c'est un comportement récurrent, particulièrement dans les quartiers bourgeoisés. Oui. Aider les pauvres, mais pas à côté de chez nous. Mais dans le village... c'est complètement différent. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, le problème du village, il est différent. C'est plus le problème du nettoyage anti-pauvre. Oui. D'où justement les questions commerciales, les tensions. Là, il y a le forum sur l'avenir du village qui se passe en ce moment. Je suis sûr que j'ai pas pu y aller aujourd'hui, là, mais je suis sûr qu'il y avait des conversations autour de comme... Quand on parle de santé et sécurité, on parle de tensions entre les résidents, les personnes dans la rue, les commerçants, les organismes communautaires. Et la présence accrue de la police, tu sais. Donc, le village, c'est pas pareil que dans un quartier, disons, comme le plateau, là. C'est déjà dans la cour. Donc, il n'y a pas de cour à protéger, il y a une cour à revitaliser. C'est ça, le problème. Oui, il y a un marketing à faire, un rebrand. Ouais, Puis c'est ça, il faut vraiment comme toutes les conversations sur la relance du village, là, il faut vraiment comme les suivre de près. Puis faire attention, d'être vraiment avoir un esprit critique là, quand on entend les discours sur le village. Oui. Oui, puis c'est aussi qu'on parle rarement du village comme milieu de vie, en fait, même depuis le début qu'on parle ici. On parle du commerce, du tourisme, on parle des organismes communautaires, mais on oublie vraiment souvent qu'il y a des gens qui vivent dans le village. Oui. Puis que c'est aussi, tu sais, les gens disent aussi qu'il y a peu de commerce de proximité, il y a peu de. Le village est peu pensé comme ça, puis je pense qu'il y a, il y a une volonté probablement d'aller vers ça aussi dans toutes ces réflexions. Oui. Comme, tu sais, Mycelium, tu parlais du forum qui a cours présentement. Je pense que c'est des trucs qui sont abordés. Puis moi, j'aime bien rappeler aussi là, que la Ville a quand même pris un engagement officiel qui est écrit sur son site, sur ses engagements face aux communautés LGBTQ+. Puis on peut lire qu'une des façons que la Ville souhaite aider les personnes LGBTQ+, c'est en facilitant l'accès à des locaux communautaires pour les organismes LGBTQ+2. Cette volonté-là qui est, nous, ça nous touche directement, puis on aime bien le leur rappeler. Mais on les sent présents aussi, et présentes, puis à la mesure de ce qu'elles sont capables de faire aussi, là, dans les moyens. Mais c'est quand même, en tout cas, on sent que ça, c'est un engagement qui a été pris, puis ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas réussi, fait que notre réussite est un peu liée à ça. Oui, parce que c'est pas 100% la faute de la ville, mais tu sais, il y a un petit peu l'aspect Opelay, le complexe Bourbon, t'es supposé d'avoir de la place, puis oh, gadon, finalement, il n'y aura pas de place pour le communautaire, y a-tu quelqu'un qui va faire quelque chose? Non, on va juste dire qu'on est triste. Ça, c'est bon, ben again, c'est pas la ville à 100%, mais je pense qu'en tout cas, on n'a pas des lois là, de pourcentage d'habitation. Il faudrait que je vérifie ça. C'est compliqué, ces affaires-là. On demandait à Marin, qui était venu pour nous parler de crise du logement. Là, ouais. Parce que c'est ça. Là, Mais c'est juste que la manière dont la ville définit un loyer abordable n'est pas abordable. En partant, oui, ça c'est vrai, effectivement. En fait, c'est que, oui, ils ont des clauses pour ça. Si tu regardes ça sur papier, ah, ben, ils ont des trucs pour des loyers abordables, mais c'est pas vrai que c'est abordable. C'est juste moins faramineusement cher, mais encore très cher. Puis jusqu'à très récemment, les gens pouvaient acheter un condo soi-disant abordable et le revendre deux fois le prix l'année d'après. Oui, là, ça vient d'être changé, ça, mais amazing. Jusqu'à récemment, c'était ça. Amazing. Puis il n'y a rien qui empêche les élus de mettre leurs culottes puis de prendre des décisions drastiques parce qu'on vit dans un contexte de crise là, majeure et catastrophique là, qui ne va faire qu'empirer. Puis des fois, il faut prendre des mesures drastiques. Ouais, des fois, on a vraiment l'impression que si les médias sont pas en train de monter une crise des armes à feu de toutes pièces, il n'y a rien qui va se passer. Parce que là, c'est ça qui se passe à Montréal. Là. En ce moment, ben là, ça, c'est des méthodes de diversion. Ça, c'est des méthodes de diversion. Le quartier de Centre-Sud, Ville-Marie, semble avoir entendu l'appel. Est-ce que la ville avec un grand V, je sais pas, là? Mais au moins, dans le quartier, vous avez des appuis. Ça, c'est quand même le fun. Mais tu sais, c'est ça. Là, en ce moment, on parle d'armes à feu. Il y a ça qui se passe. Oui, on parle juste de la criminalité. Le crime a déjà été augmenté de 14 millions cette année. Genre, je suis comme, OK. Donc, là, ils en ont rajouté une autre bâche, un autre 20 millions. C'est juste une diversion pour justifier le... Pour vrai, l'administration Plante, là, ils ont fait une étude. Là, ils ont demandé, ils ont consulté la population. 85% des gens ont dit, on veut le définancement. Oui. Sa réponse a été « OK, je vais augmenter de 16 millions ». C'est comme... Oui, c'est vrai, il y avait une consultation prébudgétaire. Oui, il y en a eu une. De ça, ouais. Qu'est-ce que ça donne? Même quand vous le savez... Ah, non, je vais pas partir là-dessus. Te comprends. On va-tu? Ouais. Oui. Non. Je te sens inspiré. Fait que, sur ce, on s'en va boire un café, revenir au vœu caféiné. Oui, on peut faire ça. OK. Puis on revient au vœu caféiné. OK, avec là, genre, on a bu notre café, on est over-caféiné, mais pendant qu'on buvait notre café, juste boire du café, on vous donne pas plus de contexte que ça cette fois-ci. Ce café-là va rester mystérieux pour toujours. Vous savez pas ce qu'on a fait en buvant ce café-là. Ah, en tout cas, mais c'était vraiment intéressant, mais vous le saurez pas. Surprise! Mais on parlait d'affaires vraiment intéressantes, genre que l'arrondissement de Ville-Marie est dirigé via la Ville-Centre et a pas de mairie d'arrondissement. Donc, non. Il est sous tutelle. Territoire personnel de Mme la mairesse. Comme Britney Spears, Free Ville-Marie. Oui. Moi, je suis un Ville-Marie truther. Puis genre, je veux la libération de Ville-Marie. Expliquez-moi comment ça se passe, ces affaires-là. J'ai vraiment envie de voir Ville-Marie faire des vidéos en sépia de elle qui tourne. Yes, les tontons à l'air. Des photos tout nues avec un petit émoji sa vulve, là, ce serait parfait. On lui souhaite Ville-Marie. Ça à Ville-Marie. Mais oui, ça veut dire quoi que d'être sous tutelle versus avoir une mairie d'arrondissement? Ben, c'est que en fait, les gens votent dans Ville-Marie, mais il n'y a pas de poste de maire ou mairesse d'arrondissement. Oui. Et c'est la personne qui est élue à la tête de la ville qui devient de facto maire ou mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie. Puis ça, c'est parce que l'arrondissement englobe le centre-ville puis que souvent, les enjeux sont beaucoup trop reliés. Ensuite, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même des conseillers et conseillères d'arrondissement qui sont élus pour les trois districts de Ville-Marie. Mais pour garder la majorité au conseil d'arrondissement, le maire ou la maire ramène deux autres conseillers et conseillères désignés de son parti qui vont venir d'ailleurs et qui vont venir siéger dans Ville-Marie. Donc, à ce moment-là, tu as trois personnes qui sont élues démocratiquement et puis le maire, la mairesse et ses deux comparses, ce qui fait que comme le vote du maire ou de la mairesse est prépondérant, ben, ils ont toujours la majorité au conseil d'arrondissement. Ce qui s'est passé, par exemple, dans les derniers mandats, c'est qu'en général, si je me souviens bien, là, la population de Ville-Marie a quand même voté à peu près comme la population de Montréal, mais ça reste quand même que c'est pas démocratique. Là. Les années Coderre, Ville-Marie votait clairement pas pour Denis Coderre, mais c'était quand même Denis Coderre qui était maire. Tandis que là, ben, ça reste que si les gens, aux dernières élections, avaient voulu élire des personnes, soit des candidates indépendants, indépendantes ou d'autres personnes, ben, après, on sait que de toute façon, ces personnes-là vont avoir un pouvoir représentatif, vont porter une voix, mais ne vont jamais pouvoir poser réellement des gestes et des décisions à l'encontre de ce que le maire ou la maire dit. Toujours, c'est ça. Ben oui. Bon. Donc ça, c'est quelque chose dont on discutait ça, en buvant un café mystérieux. Café mystérieux, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on faisait. Dans un contexte... Parce que en plus, on s'entend que McGill-Sainte-Catherine, c'est exactement la même réalité que de la Visitation Maisonneuve. C'est le même monde. C'est exactement le même monde. Tout à fait, oui. C'est insane. Ils ne parlent même pas le même langage, Calis. Un côté, c'est franco, l'autre côté, c'est anglo. Allô? Au Québec, cite la loi 96. Est-ce quelqu'un qui fait quelque chose? Au Québec! Fuck la loi 96. Réveillez-vous! Est-ce que, là, maintenant qu'on a fini notre belle parenthèse Freeville-Marie, on parlait aussi de comment que le village, c'est une large communauté, mais que souvent, comme mettons pour, je sais pas, le tourisme, des affaires même, ben on parle pas de toutes les lettres de l'acronyme LGBTQ+. C'est beaucoup de G qui s'en viennent faire vivre le tourisme. Est-ce que, quand on dit, parce que là, on t'a rebrand ça, le village inclusif. Oui, maintenant, c'est le village inclusif. Mais est-ce que... le village gay, tout le monde. C'est-tu un fait? C'est-tu un projet? Comment qu'on fait ça? Ben, je pense que, tu sais, on est peut-être un peu dans la pensée magique de croire qu'en changeant le nom, ça va tout changer, mais je pense aussi qu'on peut aussi parler de volonté, là, de changer la donne, puis du fait que, je pense, c'est dit partout, là, que le village est, comme tu disais beaucoup, avec des G, donc des hommes gays blancs d'un certain âge aussi, parce que c'est beaucoup ça qui ressort aussi. Tu sais, en urbanisme, on dit souvent « build it and they will come », mais là, tu sais, « name it and they will come », pas sûr. Ouais. C'est pas si simple que ça, mais ça reste que c'est quand même une première étape. Tu sais, les mots, c'est important. Je vois pas m'assitiner contre ça vu que je suis écrivaine. Mais il reste que, tu sais... savoir du langage, hein, c'est... Oui, c'est ça. Ah, mais les vieilles tapettes sur Facebook, là, parce que c'est là qu'elles vivent. Unhinge sur le... Là, c'est rendu le village inclusif. Comme... Sur Gay Québec, genre Gay Province Québec. Oui, c'est ça. Tu sais, de la réaction, il y en a partout, tu sais, mais c'est sûr, tu sais... Ben non, mais de toute manière, c'est des Ronald puis des Richard sur Facebook, là, c'est pas grave, là. Qui ont adopté les lunettes de soleil dans le char. Ben, oui. Moi, idéalement, j'aimerais ça créer une forme de solidarité et de compréhension mutuelle avec les Ronald et les Richard. Mais moi, je veux qu'ils comprennent. En tant que transsexuel, je me sens mal à l'aise au village et j'y vais juste parce que j'y travaille. Puis je pense pas que c'est un lieu qui est plus accueillant maintenant qu'ils ont changé les affiches. Je m'ennuie des boules, en fait, même, je dirais. Quand tu viens, c'était bon, ça, ils l'ont enlevé. Ouais. Mais c'est pas à cause de ça que je pense qu'ils voudraient complètement abandonner le village, le désinvestir. Il va juste changer si on y va, puis qu'on y met d'une autre aussi, tu sais. Puis qu'on crée des ponts intergénérationnels, puis intracommunautaires, tu sais, malgré nos multiples tensions. C'est super complexe, là. Mais ça faut jamais arrêter d'essayer de se parler, ça, c'est sûr. En génération, des fois on peut s'écœurer puis dire ça va faire. Là, mais... Ouais. Non, mais tu sais, not all Ronald, not all Richard. Ceci est un. Non, mais... non, all Ronald, all Richard, ils ont tous du travail à faire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, plus dans un truc de comme ils sont pas tous à complètement jeter puis faire comme whatever vieille affaire. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir des dialogues intergénérationnels. Ouais. Puis aussi, mais souvent, c'est eux qui ont le pouvoir politique, les contacts, la mobilité économique. On a besoin qu'ils soient de notre bord. T'sais. Effectivement. On a besoin qu'ils move on de leur transport. C'est ça, généralement, quand tu as de la mobilité économique, c'est dur de t'avoir d'un bord. Mais tu sais, aussi, quand on dit, tu sais, on les veut de notre bord, de nous, puis tout ça, tu sais, puis comme, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ben, le travail, déjà, que nous, on fait à l'interne, tu sais. On en parlait avec Mycelium, puis on a eu cette belle. Encore une métaphore, c'est l'épisode des métaphores. Ah oui. La métaphore des pleurs d'oignon, tu sais. D'abord, on a notre propre devoir à faire, nous, à Espace LGBTQ+, plus aussi. Parce que ce qui est ressorti, bon, encore, je vous rappelle encore les rapports, je pense, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, là, entre visibilité et inclusion. Je pense qu'il y a un rapport sur l'ethnographie du village, puis ça disait qu'à l'intérieur du sigle LGBTQ+, il y a des discriminations qui sont vécues, notamment, surtout, racisme et lesbophobie, transphobie, biphobie. Puis ça, c'est des réalités qui sont présentes. Puis on le voit nous-mêmes, dans notre propre organisme, on a un effort à faire, d'abord, pour se diversifier, puis ensuite, s'assurer que le centre est inclusif lui-même, le complexe, qui est... puis pour faire ça, ben c'est ça, tu sais, c'est du travail de longue haleine, là. Ça se fait pas en le disant. Il faut créer, comme Mycelium le disait tout à l'heure, il faut créer des liens forts avec des communautés qui ont envie de s'investir puis qui ont envie de prendre... ben en fait, il faut laisser cette place-là pour que les gens puissent avoir un pouvoir réel sur de quoi ce centre-là, ce complexe-là aura l'air. Et puis, après, si on fait tout ça dans un quartier qui, lui, est pas sécuritaire, met les gens en danger quand ils y vont, mais les personnes ne viendront pas plus. Fait que c'est vraiment un travail par étape à faire qui, je le répète encore, parlant d'oignon et de longue haleine, mais... d'oignon. Voilà. mais c'est des réflexions qu'on mène au sein du CA avec notre super équipe de travail qui on trouve hyper importante. Puis pour préciser, qu'est-ce que tu veux dire par le manque de diversité du CA? C'est principalement racial, dans le sens où sur les 11 personnes impliquées dans l'organisme, il y a une seule personne de couleur. Et jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de femmes, en fait. Ouais. Il y a toujours eu des personnes non-binaires et trans, mais il n'y avait pas de femmes. Et on se les fait dire, en fait, par nos membres. On est un regroupement d'organismes. Donc, on représente, je pense, à ce point-ci, 47, là, presque une cinquantaine d'organismes. Ouais. Puis, on est obligé de... C'est notre devoir de représenter de les écouter, d'écouter leurs besoins et de représenter leurs besoins et de prioriser leur bien-être. Donc, on se les fait dire par les organismes lesbiens avec lesquels on travaille que c'est comme, ben, ça inspire pas confiance de travailler principalement avec des tapettes. Puis c'est ça, tu sais, c'est ça. Juste pour préciser un peu, c'est quoi le type de manque de diversité qu'on a. Mais tu sais, comme, not to be that girl, but also let me be that girl. Le truc, c'est que c'est vrai que trouver des gens qui ont comme assez de temps, de confort et d'espace pour donner du travail gratuit à un CA pour faire. Tu sais, c'est-à-dire que j'entends absolument le truc de comme, OK, non, ben, nous on est des organismes de femmes, fait que genre, on veut savoir qu'il y a des femmes dans votre CA, sinon ça n'a pas rapport. Mais en même temps, ben, c'est vrai que genre, l'égalité salariale n'étant pas atteint, c'est sûr que t'as plus d'hommes qui ont plus de le confort de pouvoir donner du temps bénévole pour faire ces affaires-là. Puis c'est ça. Il y a toujours un danger. C'est une question qu'on se pose à deux fifs, solliciter du travail gratuit de la part des personnes de couleur. Des fois, on est comme. Ben, c'est ça qui se passe. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. Moi, je me suis pas présentée par moi-même. Là. C'est le CA qui est venu me demander ça te tenterait-tu. Puis ben, ça a donné que je pouvais. Puis, mais en même temps, c'est sûr que là, après, ben, nous, dans notre position de privilège blanc, ben, c'est à nous à faire cette démarche-là. Puis de justement s'assurer que les personnes. Qu'on sollicite, si elles disent oui, ben, faut leur donner des postes, ou ben, leur donner, c'est pas une affaire de donner, mais il faut s'assurer qu'on prend pas la place qui va faire en sorte que ces personnes pourront pas être à leur meilleur, tu sais. On a un travail à faire pour que ça soit, pour écouter, que ce soit dans les horaires des rencontres, dans tout ça. Tout le monde aime ça, la diversité, mais quand c'est le temps d'être capable de s'assurer que tout fonctionne selon les paramètres de tout le monde, là, ça devient compliqué parce que c'est pas juste d'avoir les gens dans la place, mais aussi que ce soit capable d'être fonctionnel puis de les retenir aussi. Oui, puis de comprendre que c'est pas nous qui avons l'expertise pour comprendre les besoins, puis qu'il faut surtout, avant tout, s'effacer, écouter, tenir compte, puis être disponible. Là. That's it. Est-ce que l'espace LGBTQ+, ça concerne juste Montréal? Ben, pour l'instant, on focalise sur un premier complexe. Là, on va commencer par ça, dans le village. Mais le but, ce serait de créer un réseau immobilier à l'échelle de la ville et même à l'échelle de la province. Puis tu sais, la communauté, là, c'est en fait des communautés. Donc, oui, même oui. À Montréal, il y a déjà plusieurs petits centres queer, des petits villages. Oui. Mon quartier d'ailleurs, Villegay, que yes. J'aime nommer le nouveau village. Yes. Villegay Country Hall Queerbec. Peu importe où ce que les fags habitent, ils disent que c'est le nouveau village. Ouais, ouais, ouais. Non, mais dans le sens, non, mais dans le sens où c'est mobile, tu sais, puis oui. Ouais. Justement, l'OP10, mettons, vient de s'installer dans Huntsic, ils viennent oui. de déménager. Justement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de queers dans le Mylène, dans le Mylex, dans la petite Italie, etc. Donc, tous les centres de gentrification, là. Ben oui, c'est toujours ça. C'est ça qui arrive, les artistes, les queers arrivent. Les queers, on est toujours la première ouais. vague. On est toujours ouais. la première vague, c'est ça. Sauf dans le village, il y avait eu d'autres vagues avant. Ouais. À cause du faubourg Ramblas puis tout, là, ça a été beaucoup ouais, ouais. Mais le village a une histoire particulière. Ouais, c'est tellement ça que l'espace LGBT devienne un truc où tu peux être franchisé, là, comme un McDo, là, tu peux avoir un service à l'auto, sur le bord de la vin, là, tu vas en avoir une coupe. Première franchise, t'as 3 pistoles. Ouais. Yes! Collab avec Tim Hortons. Mais c'est ça, tu sais, c'est impossible de représenter absolument tout le monde, toutes ces communautés-là au pluriel en travaillant seulement dans le village, là, ouais. C'est évident. Puis je pense pas que, personnellement, je me fais pas croire qu'on va changer le monde avec un immeuble, mais c'est juste comme un morceau du puzzle plus large, ça. Moi, tous les matins, je change vraiment le monde avec mon podcast, mais maintenant, c'est parce qu'il faut dire que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, que sinon, on fait pas grand-chose personne. Mais on fait plein d'affaires, en fait. Hein? Hey, c'est mon moment, coach de vie, I guess. Ah, c'est beau, on commence plus jamais ça. Je me sens mal. Mais pour vrai, Asti, moi, je serais tellement down d'avoir des petites cassettes de genre Jess qui te coach ta vie. C'est juste ça. Live, love, love. Est-ce que ça commence à être tangible, l'espace LGBTQ+? Est-ce qu'on commence à dire, oups, ça s'en vient, on peut évoquer des dates, on a un timeline? Moi, je veux juste savoir sur un service à l'auto. Le drive-thru des services communautaires. Ben écoutez, oui, en fait, on a eu la bonne nouvelle récemment que notre offre d'achat a été acceptée pour le 929 Sainte-Catherine-Est, l'ancien Yellow Bedo en ruine totale. OK, mais là, on a des grosses annonces à des fêtes le matin, là, on sait que oui, si on oui, fait oui. un soundbite là-dessus puis on met ça sur Twitter. Là. En grande primeur, mais attendez, c'est pas parce que l'offre d'achat a été acceptée que nécessairement ça va se produire. Là, oui. on en est à l'étape de l'étude de faisabilité. C'est très compliqué l'immobilier, surtout quand on parle de plusieurs millions de dollars. Donc, il oui. faut sécuriser l'argent, trouver les confirmer les bailleurs de fonds, oui. Confirmer les locataires, faire l'inspection, faire les prévisions budgétaires pour l'architecture. Oui. Tout ça, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Donc, oui, parce que des racks à souliers, ça ne vous aidera pas dans la confection. Il va falloir changer la place un petit peu. Là. Ah, puis ils sont vraiment miteux, les racks oui. à souliers. Je suis allé oui. visiter récemment. Il faut recommencer à zéro. Là. Oui. On regarde les poutres. Là, pis le petit bedeau qui est en solde de faillite depuis genre 25 ans. J'en reviens pas qu'il l'a fermé. Ouais. Ouais. Il y a de la job à faire. Là. En fait, les rénovations coûtent beaucoup plus cher que l'achat du bâtiment lui-même, ce qui est, oui. ce qui est assez commun, en fait, oui. Oui, oui, dans l'immobilier. Dans ces coins-ci, oui. Donc, c'est ça. Donc, on s'en reparle. Là. C'est pas parce que l'offre d'achat a été acceptée que ça va nécessairement se produire, mais si tout fonctionne comme sur des roulettes, normalement, au mois de janvier, on devrait avoir finalisé la transaction. Wow. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à demander nos permis et faire notre design. Ce qui veut dire que, idéalement, dans un horizon de 3-4 ans, le complexe pourrait être ouvert et loger des organismes. Donc, ça s'en vient. Puis, il y a aussi un autre projet un peu parallèle qui est hyper embryonnaire. Là. Donc, faites-vous pas trop d'attentes. Mais on est on collabore. C'est 2 fifs le matin, il n'y a personne qui fait ça ici d'avoir des attentes. Tant mieux, comme ça vous ne serez pas déçus. Ouais. Mais on collabore avec la coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. Ils sont super gentils, shout-out, pour un centre jeunesse, en fait. Pour oui. Finalement, ils administrent l'Astérisque, qui est beaucoup trop petit pour les besoins des 3 organismes qui y logent. Oui. Auparavant, il y avait 4 organismes là-dedans. Donc, le but, ce serait de faire une espèce d'Astérisque 2.0, de plus grande envergure et avec des locaux plus adéquats. Mm. Donc, c'est ça. Ça, on est en train d'essayer de figure it out. Ça serait vraiment le fun, mais c'est rien de garanti. Là. C'est super embryonnaire. Atta girl. Yeah! Atta girl. On pensera à quand, mettons, pour l'ouverture de notre premier centre d'achat drive-thru communautaire LGBT à Montréal? Oh yeah! Ben, le plus tôt possible. On a vraiment hâte. Puis on a déjà le slogan. Ça va être « Acheter gay, payer content ». Yeah! Yes! Ah, c'est bon! Ah, c'est bon! Il va y avoir un photobooth où ce qu'on peut aller frencher. Yes! Mais on fait des jokes là, sur le centre d'achat, mais personnellement, là, si je peux me permettre... Permets-toi! Moi, j'aime quand même ça, l'économie sociale, puis l'économie solidaire, puis l'économie circulaire. Puis moi aussi, Airbnb puis Uber, j'adore! Je le sais que c'est pas vrai, c'est pas les entreprises d'économie sociale, je le sais. Non, mais je pense que c'est quand même important de réfléchir à c'est quoi la mobilité économique queer et surtout trans, tu sais. Oui. Il y a une surreprésentation trans dans la précarité et dans l'itinérance et dans l'accès à l'emploi et au logement. Donc, tu sais, je pense que c'est quand même important de penser au cash, tu sais, sérieusement. Puis de pas... Ouais, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire. De ne pas avoir le dédain nécessairement de tout ce qui vient avec de l'argent, des fois. Mais j'ai énormément de dédain, là, mais... Oui, oui, oui, oui. Non, mais à un moment donné, il y a aussi... On a acheté le style d'immeuble, ça prend des services. Ben oui, puis aussi, en tout cas, moi, j'aime ça appeler les choses, les espèces de conventions radicales où on se vend des choses, des centres d'achat. Tu sais, mettons, le salon du livre anarchiste, c'est le plus gros centre d'achat anarchiste qui existe. C'est juste comme... C'est juste que c'est vrai que si tu, comme, le boil down à son essence, c'est un centre d'achat. Genre, tu sais, mais moi, j'aime ça. Ce qu'on essaie de faire... Il n'y a pas de service à l'auto. Ouais. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est créer un lieu de socialisation qui n'est pas axé sur la consommation. Ça veut dire la consommation, entre autres, de drogue et d'alcool, ce qui est souvent le cas dans les espaces queer. On est bon pour créer du gathering dans des contextes de nightlife, mais il y a aussi des populations qui soit sont sub, soit sont mineurs, et on peut pas avoir accès à ça pour socialiser, mais aussi la consommation commerciale, t'sais. Donc évidemment que nous on veut pas travailler sur un centre d'achat, mais c'est peut-être mon passé dans les coopératives là, qui parlent, ou est-ce que je pense que c'est quand même dommage de voir autant de petits commerces avec la pandémie, tu sais, qui ont dû fermer leurs portes, qui laissent des locaux vides, qui vont éventuellement être remplis par des Starbucks. Tu sais, c'est vraiment déprimant, tu sais. Ouais. Puis c'est très rare, en fait, des entreprises qui sont owned et operated par des personnes queer, et encore moins par des personnes trans, tu sais. Donc, c'est ça. Je souhaite une stabilité économique vivable pour toutes les personnes trans. Du monde. Si c'est pas toutes nous, c'est personne. Disons ça comme ça. Fait que dernier petit café? Ben, on s'en va réécrire le centre d'achat des colocs à saveur LGBT, puis on vous revient avec une nouvelle version revampée. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Ah ah ah ah, on vient ouvrir le caféiné. C'était tout pour notre émission de cette semaine. Céliane, Catherine, merci d'avoir été avec nous. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Intéressant. Merci pour tout le travail. Oui, surtout. Méchant job. Tabern. On est contente que des gens se soient garochés dans ce projet-là. Et on vous souhaite une bonne continuation. Est-ce qu'on a des plugs? Catherine, on a-tu des plugs? Ah oui, moi je veux plugger mon livre. J'ai sorti un livre il n'y a pas longtemps. Oui. C'est un livre qui parle des élections, puis qui parle des abus de pouvoir, des agressions sexuelles. C'est comme plein de sujets vraiment joyeux. Ouais. Puis ça s'appelle « Fragile comme une bombe ». Ça a été publié chez VLB. Il est beau, il est tout noir, avec comme un rond rose dessus. Là. Ah, c'est un beau livre, moi j'ai vu, il est beau. Il est très joli, puis il est très très bon aussi. Yes. Il y a plein de pages dedans, il y a vraiment beaucoup de mots. C'est un livre avec des feuilles, des mots, des pages. Ouais, ils l'ont bien paginé, c'est l'édition de luxe. Ouais, c'est ça. Il y a un numéro de page, tu peux savoir, t'es rendu où. Puis ouais, fait que je le plug impunément comme ça. Je pense à la meilleure critique de livre qu'on a faite sur Deux Fifs le matin. Ben, gars. Oui, en tout cas, c'était la plus informée. Femme de lettres. Céliam? Ben, moi, comme vous avez dit au début, je fais de la radio. Yes. Fait que vous pourriez écouter notre émission. On est un collectif de 3 personnes. Ça s'appelle Audio Smut sur CKUT, le premier mercredi du mois, mais on est aussi en rediffusion sur Mixcloud. Puis j'ai aussi créé un groupe de soutien par et pour les survivants queer et trans d'abus sexuels dans l'enfance avec une personne qui est dramathérapeute et thérapeute par les arts qui s'appelle Amy Louis. Là, on vient d'organiser notre première retraite en nature, mais il y a d'autres activités qui s'en viennent. Vous pouvez suivre ça, ça s'appelle le projet Lichen, Lichen Project, projet Lichen. Puis je fais aussi une perf de cheap art avec des puppets au festival Entracte le 16 octobre. C'est une super belle programmation en général. Il y a 12 artistes sur 3 jours. Check it out, c'est vraiment sweet comme festival. C'est une belle gang qui organise ça. Hey, moi aussi, j'ai une plug. Les plugs! Maintenant que je suis rendu un humoriste de la relève TM, d'ailleurs, si je suis pas nominé aux Olivier comme révélation de l'année, j'espère qu'on va riot contre l'homophobie des Olivier. Mais c'est ça, moi je suis rendu, ça apparaît pas parce que ça, c'est mon projet sérieux et austère, mais je suis quelqu'un de drôle dans la vie. Et je fais du stand-up au Snowflake Comedy Club chaque mois et ça commence le samedi 5 novembre au Jockey à 20h. Achetez vos billets, soyez là. Je vais être cute, moi, dire de la merde. Voilà. Hey. Je suis rendu avec des plugs aussi, esti. Incroyable. C'est ça. Incroyable. C'est moi aussi, je vais y aller de mes plugs. Non, plug de quoi, Jess? Plug de quoi? Hey, 2 podcasts par année, esti, c'est bien en masse. Bon, c'est correct. C'est bien en masse. Okay, moi, quand je me retourne chez nous, je me crosse seul en pleurant. Alors! Ça se passe à quelle heure? Ça se passe à un petit peu de vous crosser en pleurant avec moi. On va aller faire une retraite en nature, nous aussi. Ah, je pourrais-tu plugger mes amis? Ben tu peux tout plugger tes amis. Okay. En ordre alphabétique, dans les A. C'est MySpace, tu peux les mettre en top 10 si tu veux. Mais c'est parce que c'est directement connecté au projet Lichen. Il y a mon BFF, Charles Voyer, et mon autre ami très proche. Gigi Hull, qu'on travaille sur un projet qui s'appelle Le Gardien des Enfants, qui est présenté au Prospero du 4 au 22 octobre. Au théâtre, c'est Prospero, excellent, c'est excellent et ça parle d'abus sexuels dans l'enfance, donc d'une perspective queer. Fait que je le recommande chaudement. Allez au théâtre. Dépensez tout vos argent sur le livre à Catherine puis le show à Charles. Ouais. C'est là que ça se passe. On peut typer ta performance aussi. Je sais pas si c'est comme les drag queens. On peut-tu faire ça? Ah oui. C'est-tu weird? Pitchez-moi des 20$, s'il vous plaît. Les mobilité économique, tout le monde. C'est un terme dans l'épisode. Sinon, on vous encourage à rejoindre notre Patreon et à nous donner généreusement parce que c'est ça qui maintient notre style de vie, ma foi. Luxurieux. Mais pour vrai, c'est quand même gênant quand on pense à tout ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, on a rejoint le 1% de manière montée en flèche. Ouais. Moi, mon déjeuner maintenant, c'est des feuilles d'or comestibles avec du caviar. Ouais. Tant qu'elles sont molles, parce qu'il faut que tu manges du manger mou, tu nous dis. Oui, j'ai trop mal aux dents, malheureusement. Merci du rappel, c'est super. Oui, c'est ça. De l'or mou. De l'or mou. Si vous faites de l'or mou, Jesse en mange. Oui, d'ailleurs, parlant de Patreon, là, c'est ça. Les dents, là, j'ai besoin d'argent. C'est là que ça se passe, mais tout le monde. Pas qu'on en manque, mais juste comme on est vraiment greedy et on veut toujours s'enrichir plus. Quand j'ai fini de me masturber en pleurant, je compte notre argent. En pleurant. Ça meuble un beau 5 minutes de ma soirée. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. 2 fifs le matin, le chiffre 2 fifs avec un X à la place du 8 parce qu'on veut pas se faire chatter par la police des mœurs. 2 fifs le matin, en un mot. Partagez-nous sur les réseaux sociaux, mettez-nous des étoiles parce qu'on peut mettre des étoiles, suivez-nous et écoutez-nous. Bonne semaine.